Bonjour à tous. Aujourd'hui, filet de charolais aux échalotes pour 4 personnes. 20 pièces d'échalotes, 50 centilitres de vin blanc, plus une pincée de sucre, 800 g de champignons de Paris, un jus de citron, 40 g de beurre, 4 filets de bœuf de 180 g, du sel et du poivre. Pour la sauce vin rouge, 15 g de beurre et un demi-litre de vin rouge. Épluchez les échalotes, les conserver entières, les cuire 45 minutes à l'eau bouillante, les égoutter, mettre le vin blanc, plus 15 cl d'eau, les échalotes et le sucre. Laissez cuire à feu moyen jusqu'à complète évaporation. Les échalotes doivent être à une couleur brillante. Assaisonnez légèrement et réservez au chaud. Faire revenir les champignons coupés en 4 avec le citron, plus 20 g de beurre, 15 à 20 minutes jusqu'à coloration et réservez au chaud. Faire réduire la moitié le vin rouge, ajouter le beurre froid, assaisonner, réserver au bain-marie. Faire sauter la viande avec le beurre restant, cuisson selon votre goût. Laissez reposer 5 minutes au chaud. Dressez les filets de bœuf, quelques champignons dans chaque assiette, nappez de sauce, décorez avec les échalotes glacées et servir aussitôt. Un petit vin conseillé, un mercury rouge à boire avec modération.